te parie que le diable est anglais. Et tu voudrais bien savoir comment je le sais. Je te le dirai si tu me promets de ne pas le répéter, car c'est un secret. Moi, je l'ai vu remonter Carnaby Street. Je l'ai suivi et je sais où il habite. Dans un building de 100 mètres de haut, où sur chaque porte est inscrit Satan & Co. Il exporte sous forme de cadeau tout ce qui est interdit et qu'il connaît trop. Il est ici, il est partout à la fois. Il est si beau que tu n'en reviendrais pas. Quand je te dis que le diable est anglais et qu'il viendra me chercher quand je le voudrais, tu ne me crois pas et pourtant c'est vrai. Mais entre nous tu peux penser ce qu'il te plaît. Moi je m'en vais, mon passeport est déjà prêt. Je te parie que le diable est anglais et tu voudrais bien savoir comment je le sais.